de bois. Wamba non kode. C'est Antoine. Ma fille non vie. Wamba de bois. Wamba non kode. C'est Antoine papa. Vinan pou vin la bouye. Mon kalite moun de boutan de monte sent an douan. Le monte a fonda l'on kleren. Yal tombe bouye yo sou. Yo binye si se la bouye yo tal la bouye. Bon lot seri moun men men ka sent an douan. Se pa pou lot bagay. Yal veye moun. Pi al ka se zote pe sen. Pou yal fe fetiche. Bon l'autre série moun même quand c'est en droit, c'est pas pour l'autre bagaille. Ça c'est madame yo côté qui t'es au nom caille. Ça au nom ca. Oui au foot nan ca. À la bagaille qui dit. C'est l'on homme m'habite nan caillou. Madame on sorti et pour mon rit nan caille la fait la navette. La salle cuisine. Chita vit dans des Korea. Il va prendre ses bonbons. Et pourtant, il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Ça, quand fille a dit, camarade là. Oh chéri, au grand Panama, dormi hier soir, mon rêve. J'ai dit, oh, qui rêve vous fait? C'est pas bolette. Comme on dit, non, ça plus important, pas c'est bolette. Je ne vais raconter ma roue qui sortait ou en a dormi. Oh oui, trouvez-moi ces 7 ans pour aller, pour aller faire une petite prière pour vous, pour se voir, j'ai un petit job, pour être capable d'aider avec Timounio. Mon nom est Tim Soblo, mon femme qui réfléchit comme ça, ça vous dit. C'est madame pour là, et vous t'en allez à Nandlo. Il Nandlo. Ça va, monsieur Divia. Eh bien chérie, allez non. Et puis la fille arrive à cet endroit, tu vas à la régler. Là elle fait radiographie. Là elle rachète dans derrière. Là elle baille la donne. Cet endroit, papa. Bonjour, je vous fais bien, mais dis-je aussi. Oui.